Chapitre 9e. Kat, ici ! Criait la voix impérieuse de Henri. Je ne m'explique pas la soudaine terreur de cet animal, disait Robin, inquiet. Son attitude est identique à celle qu'il gardait en revenant seul à l'habitation, interrompit Nicolas. Kat, Kat ! Reprit plus doucement le jeune homme. Le jaguar, la queue basse, les oreilles aplaties, le museau rasant le sol, avançait en rampant, mais avec une lenteur, une hésitation inqualifiable. Il tremblait, cherchait à se dérober, et ne voulait plus rester en tête de la file. Il fallait toute l'autorité de son maître, sur les talons duquel il se tenait piteusement pour l'empêcher de se réfugier à l'arrière-garde. Rien de suspect ne se révélait pourtant au sens toujours en éveil des Robinson noirs et blancs. Il marchait depuis 24 heures, rivé à la piste de l'enfant qu'il suivait comme des limiers. Charles avait été enlevé à moins d'un kilomètre de l'habitation, après avoir tué l'aigle dont les plumes jonchaient le sol. Il n'y avait pas eu de lutte. Quelques branches froissées, des herbes foulées, indiquaient une surprise dont le jeune chasseur avait été victime. Puis sa trace se confondit avec des empreintes nombreuses laissées par des Indiens pesamment chargés. Ces derniers, d'ailleurs, soit indifférence, soit confiance dans leur nombre, ne se préoccupaient aucunement de dissimuler leur passage. Un fait capital était acquis désormais. Charles n'avait pas été la proie d'un fauve ni d'un reptile. Il n'avait pas disparu dans une savane tremblante. Il n'était pas égaré dans la forêt, ni écrasé par la chute d'un arbre. Il n'était pas libre, mais il vivait. Bien que les suites de cet enlèvement mystérieux n'eussent en elles-mêmes rien de rassurant, les Robinson, pleins d'espoir, imprimaient à leur course une allure de plus en plus rapide. Il s'agissait de faire de la route et de rejoindre au plus vite les ravisseurs. Madame Robin, en dépit de son énergie, n'eût pu suivre la troupe. La fatigue l'eût infailliblement tuée au bout de quelques heures. Aussi, les deux bonnies l'avaient-ils commodément installée dans un hamac suspendu à une perche longue et solide, dont les deux extrémités reposaient sur leurs robustes épaules. Telle était leur vigueur, que jusqu'alors ce précieux fardeau n'avait apporté nulle entrave à leur infatigable célérité. Cette méthode si simple est du reste l'unique moyen de transport employé pour amener à travers bois, jusqu'au canot, les malades ou les blessés. Elle est d'un usage fréquent en Guyane, où manquent également les bêtes de somme et les routes. On fit halte au bord d'une crique. Il n'était pas question de repos pour ces intrépides marcheurs qui prirent à peine le temps de s'asseoir et d'entasser quelques larges bouchées. Le jaguar, conservant toujours son attitude de chien fouetté, vint se blottir derrière Henri indigné de cette inqualifiable poltronnerie. Ce phénomène singulier mettait complètement en défaut l'habituelle sagacité de l'aîné des Robinson, qui de guerre lasse dut l'attribuer à quelqu'une de ses manœuvres familières au Peau-Rouge. Casimir, le vieux veneur sauvage, expert en toutes sortes de ruses, furetait mais en vain de tous côtés. Angosso dépité ne trouvait aucune explication plausible. Le mystère devenait de plus en plus insondable. Quant au rapt de l'enfant, chacun s'accordait à le rattacher au drame dont Robin et ses trois fils avaient failli être victimes l'avant-veille. Tout concourait à corroborer cette opinion, jusqu'à la direction prise par la seconde troupe qui marchait vers le point où l'ouragan s'était abattu sur la forêt. Le malheureux père frémissait à cette pensée que Charles, innocente victime expiatoire, agonisait peut-être au lieu même où ses frères eussent enduré un si épouvantable supplice sans l'intervention d'Angosso. 2 heures s'écoulèrent encore sans incident. Henri ouvrait la marche, suivi bon gré mal gré de Kat, qui semblait se rasséréner peu à peu. La piste, parfaitement régulière, pratiquée par des hommes expérimentés, s'enfonçait toujours dans l'interminable sous-bois. En dépit de la chaleur accablante, les Robinson suffoqués, aveuglés par la sueur qui ruisselait jusque dans leurs yeux, conservaient leur allure quand le jaguar, revenu soudain à ses terreurs, s'arrêta net à la vue d'une large feuille de balisier enroulée sur le sol en forme de cornet. Il n'y avait pas de balisier à plus de 2 kilomètres. Cette feuille avait donc été apportée de la crique et déposée en ce lieu avec intention. Si elle eût été simplement jetée sur la terre, elle eût attiré les regards des chercheurs de pistes, car un vestige, quelque futile qu'il paraisse, peut avoir quand même de l'importance. Sa forme spéciale devait, à plus forte raison, la signaler à leur attention. Il fallait l'examiner avec défiance. Si d'une part on pouvait trouver entre les plis de son limbe une indication précieuse, elle pouvait également cacher un piège, quelque substance vénéneuse ou un petit serpent. La file s'arrêta. Henri s'approcha avec d'infinies précautions et déroula patiemment le cornet avec la pointe d'une flèche emmanchée à une longue rampe. La feuille ne contenait rien. Le jeune homme la souleva, la saisit délicatement et l'approcha de sa figure. Un cri de surprise joyeuse lui échappa à la vue de larges caractères tracés avec une pointe mousse dans la substance vert sombre. Il lut lentement et d'une voix tremblante « Ma vie respectée pour l'instant, influence protectrice mystérieuse, on m'emmène, suis étroitement gardé, soyez prudent, Charles. » L'audition de ce document aussi étrange qu'inattendu produisit l'impression de bonheur que l'on peut imaginer. Toutes les poitrines, jusqu'alors comprimées par toutes les angoisses de l'attente, éprouvèrent comme une détente instantanée. « Il vit !» s'écria la première, Madame Robin. « Il vit !» Le cher petit, et la feuille tremblait entre ses mains, et ses yeux pouvaient à peine déchiffrer les caractères tracés par son dernier nez. Nicolas riait, pleurait, criait. « Madame, mes enfants, patron, je suis fou, j'ai envie de crier, vive quelque chose. J'ai un quintal de moins au creux de l'estomac. » « Sais-tu bien, frère, que pour un novice, Charles débute par un coup de maître ?»« C'est admirable, extraordinaire, » répondit le proscrit rasséréné. « Le cher enfant, Casimir, tu as entendu ?»« Oh, compé, bon content, oui, lis malin, passé indien. »« C'est ton élève, mon vieux compère. »« Lis passé nec kaba, oui. Oh, sa piti moun, là. » !»« Mais vois donc, Henri, » dit à son tour Edmond, comme tous ces caractères sont bien imprimés dans cette substance charnue et résistante qui forme la feuille. « Il n'a rien déchiré, » continua Eugène, également ravi de l'habileté de son cadet. « Il a pris une épine à pointe mousse, puis l'appuyé suffisamment pour contusionner le tissu et non pour le trouer. C'est lisible comme un manuscrit. » Angosso contemplait presque avec crainte ce lambeau végétal dont la vue avait tout à coup rempli d'espoir ses amis. À cette époque éloignée déjà, les Noirs du Maroni n'étant pas familiarisés avec les usages des Blancs qui exploitent aujourd'hui les terres aurifères, le bon ignorait l'emploi du papyrat. Lisez lettre au papier. Il fallut lui expliquer ce procédé de communication, et son admiration pour ces chers Blancs s'en accrut d'autant. Un des membres de l'expédition ne partageait pas l'allégresse générale, c'était Cat. La vue de ce grimoire semblait produire sur son organisme une incroyable impression d'horreur. Nos chats européens, plaisamment nommés greffiers, manifestent pour les papiers un amour bizarre qui leur a valu ce sobriquet. Par quel singulier phénomène, leur congénère, l'énorme matou équatorial, témoignait-il autant de répulsion? Élevé dans le cénacle des Robinson, il n'était pourtant pas étranger à la littérature. Non seulement il s'enfuyait en grondant quand on lui présentait la feuille, mais encore, il refusait opiniâtrement les caresses des mains qu'il avait touchées. Angosso voulut en avoir le cœur net. « Baille-moi sa bagage, là !» dit-il à Henri. Il prit la feuille, la tourna, la mit au soleil, et puis la porta à son nez. Il éclata de rire et s'écria joyeux. « Moussabé, qu'a cosy cosy » « Qu'appelles-tu cosy cosy ?» demanda Robin. « C'est, » répondit-il dans son patois, « une plante bien curieuse, dont l'odeur met en fuite le tigre. Pas possible. Oui, compère. » Les Indiens prennent les graines, les font bouillir, se frottent le corps avec la décoction, frottent aussi leurs chiens, et jamais ils ne rencontrent le tigre qui s'enfuit à leur approche, quand bien même ils mourraient de faim. « Pourrais-tu me trouver cette plante ? C'est facile. Attendez, petit morceau, » dit-il en s'enfonçant dans la forêt. L'attente fut courte, en effet. 5 minutes ne s'étaient pas écoulées, que le Robinson noir accourait en agitant triomphalement une plante que le proscrit reconnut aussitôt. « Mais je connais cela. » C'est l'hibiscus abelmoscus, de la famille des Malvacées, plus connue sous le nom d'ambrette. Et tu dis que cette petite odeur musquée, si suave, si pénétrante, suffit à mettre en fuite le jaguar? Ça même, il croit sentir le pathyra, le serpent ou le caïman, ses ennemis les plus acharnés. Je comprends, moi, dit Nicolas, c'est l'inverse de l'effet produit sur les chats par la valériane qui les affole. La valériane est, vous le savez, lapin irrésistible employé par ces trappeurs en veste blanche, nommés gargotiers, pour dépeupler les garennes situées sur les combles et dans les gouttières des maisons parisiennes. « Je comprends aussi, » interrompit Henri, « et je vois d'ici la scène qui a accompagné l'enlèvement de notre frère. Charles, saisi par les Indiens, l'avait d'embrette. Ceux-ci, terrifiés à la vue du jaguar apprivoisé, autant que lui par l'odeur détestée et sa blessure résultant d'une flèche mal dirigée. Sa fuite, son arrivée à la case, sont facilement expliquées, ainsi que sa répugnance à suivre la piste pratiquée par ces mêmes Indiens et la peur que lui inspire la feuille de balisier, involontairement imprégnée de cette odeur par Charles. Qui sait même, renchérit Nicolas, s'ils n'ont pas jeté de temps à autre quelques gouttes de leur décoction sur la piste pour empêcher K de remplir son office de chien de chasse. C'est bien possible. Mais comme nous n'avons pas les mêmes préjugés, nous allons marcher de l'avant, et rondement. Il est malheureusement à craindre que les Indiens ne s'en tiennent pas toujours à ces moyens platoniques de défense. Quoi qu'il en soit, nous aurons avant peu du nouveau. Ils ne se trompaient pas. Bien que les Indiens soient de robustes marcheurs, leur allure ne pouvait rivaliser avec celle des Robinsons. Ces derniers reconnurent bientôt, à des signes infaillibles, que la distance qui les séparait allait toujours diminuant. Les feuilles des branchages fauchés par les sabres des fugitifs n'avaient pas eu le temps de se flétrir. Bientôt, les tiges tranchées en biseaux à 40 cm de hauteur apparurent encore humides de sève. On approchait. Dans quelques moments, on serait en présence des ravisseurs. La nuit vint. On fit halte, et Robin détacha en éclaireur Henri et Angosso, auquel il recommanda la plus grande circonspection. Leur absence dura une heure à peine, et ils revinrent au campement improvisé, en étouffant de telle façon le bruit de leurs pas que l'aile du vampire lui-même n'eût pas été plus silencieuse. Robin veillait, le sabre à la main. Kat, enfin revenu de ses terreurs, se tenait à ses pieds. « Père, » dit à voix basse Henri, « nous les avons rencontrés. »« Et Charles ?» demanda-t-il anxieusement. « Nous ne l'avons pas vu. » Il doit être sous un grand carbet placé au centre, autour duquel se tiennent plusieurs Indiens accroupis. Mais comment avez-vous pu percer ainsi les ténèbres? Par la raison que les feux sont allumés? C'est étrange. Cette particularité semblerait indiquer que les peaux rouges ne nous attendent pas, ou qu'ils s'apprêtent à repousser toute attaque par la force. Je partage plutôt cette dernière opinion, d'autant plus qu'ils m'ont paru très nombreux. Mais quel est l'agencement de leur campement? Voici. Ils sont sur l'emplacement où nous avons failli être torturés. Au milieu, comme je viens de te le dire, est un grand carbet. Ce carbet est entouré de 8 foyers symétriquement installés 2 par 2 sur chaque face. Enfin, du côté débarrassé d'arbres, c'est-à-dire situé en regard de nous, s'étend un large brasier formant une bande continue affectant la forme d'un demi-cercle. La partie non éclairée s'appuie naturellement sur la forêt. Mais c'est un véritable système de fortification. Oui, père. Et nous aurons fort à faire pour donner l'assaut. C'est pourtant ce que nous allons tenter sans désemparer. J'y compte bien aussi, va, père. Mais de quel côté nous jetterons-nous sur eux? Il n'y a pas d'hésitation possible. La partie qui semble la mieux défendue et qui conséquemment est moins bien gardée est la zone éclairée, tandis que le côté dans l'ombre doit être hérissé de flèches et constellé d'yeux largement ouverts. Ce foyer en demi-cercle est un vulgaire trompe-l'œil. Bon, tout au plus, à effaroucher les fauves. C'est sur ce point qu'aura lieu l'attaque. Je gagerai qu'il n'y a pas 2 hommes en faction sur ce point. Quels sont ceux d'entre nous qui formeront la colonne d'attaque? Les plus robustes. Toi, Angosso, un de ses fils, Nicolas et moi. Il faut que ce premier effort soit irrésistible. Nous nous élancerons à travers le brasier, la hache d'une main, le sabre de l'autre. Ce sera l'affaire de quelques secondes. Comme nous ne pouvons associer ta mère aux difficultés d'une semblable aventure et que nous ne devons pas disséminer nos forces, voici ce que j'ai résolu. Edmond, Eugène, le second fils de Bonnie et Casimir, formeront le corps de réserve, qui se portera sans bruit dans l'ombre du côté opposé à celui par où aura lieu l'attaque. Edmond prendra mon fusil, Bachelico celui de son père. Embusqués dans la forêt comme dans une forteresse inexpugnable, ils repousseront les fuyards qui tenteront de s'échapper par là. « Père, ton plan est parfait. Il réussira. Une seule chose nous reste à faire. Laquelle, mon cher ami? L'exécuter, sans retard. Je n'attendais pas mieux de toi. Bravo, et en route. » Si chez les Robinsons la conception était presque instantanée, l'exécution ne se faisait pas longtemps attendre. Moins de 2 heures après ce rapide conseil de guerre, les 2 troupes étaient à leur poste. Le camp des Indiens se trouvait investi à l'est par la réserve, blotti derrière les troncs et les lianes, et à l'ouest par la colonne d'attaque. La grande ligne demi-circulaire de feu ne jetait plus que des lueurs mourantes, mais de gros blocs de charbon en ignition formait comme un ruisseau de feu large de près de 3 mètres. Peu importait à ces hommes qui, d'un saut, pouvaient franchir un espace d'un tiers plus considérable. Les 5 assaillants s'avancèrent en rampant le plus près possible de la zone éclairée. Puis Robin lança d'une voix de tonnerre le cri de « En avant !» Ils bondirent comme des tigres et se trouvèrent aussitôt dans le campement. Quelque instantané qu'eût été leur élan, il leur semblait qu'une flamme ardente les consumait tout à coup au moment où ils traversaient ce large foyer. À l'instant où ils touchaient terre, ils se sentirent comme aveuglés, suffoqués, étouffés. Une toux horrible leur déchira la poitrine. Un éternuement aigu, convulsif, continu les secoua douloureusement. Leurs yeux gonflés, pleins de larmes brûlantes, ne pouvaient plus voir. Ils étaient terrassés sans combat. Une clameur horrible, poussée par les Indiens, emplit aussitôt la clairière. Les Indiens préposés par Benoît et Akombaka à la garde des canaux trouvaient aux journées une incroyable longueur. La provision de Vikoué était épuisée, les éléments indispensables à la confection du cachéri manquaient, et l'alcool des Blancs était renfermé dans des damjans bouchées, ficelées, cachetées, de façon à défier toute indiscrétion. Les pauvres diables s'ennuyaient, comme peuvent s'ennuyer des Indiens sans boisson, sans tabac, et réduits à la portion congrue de cassave et de poisson sec. Une semblable situation ne pouvait durer longtemps. Puisque la montagne ne venait pas à eux, ils iraient à la montagne. L'exécution de ce projet si simple romprait la monotonie d'une existence par trop cénobitique, car en somme, que sert de ne rien faire si l'on ne boit pas? Il ne fut pas besoin de longs discours pour provoquer séance tenante cette belle équipée. Les préparatifs furent moins longs encore. Les pagaras furent garnis de provisions, et chargés sur la tête des déserteurs. Les pirogues furent cachées dans les herbes aquatiques. Puis, le départ s'effectua comme une chose toute naturelle. Il n'y avait pas d'ailleurs désertion proprement dite, puisque les Peaux-Rouges rejoignaient le gros de l'expédition, mais abandon d'un poste d'une importance assez problématique. Un casuiste eût peut-être trouvé la distinction quelque peu spécieuse, mais les conseils de guerre sont si bon enfant chez les Peaux-Rouges. Ils s'engagèrent sur la piste, précédemment suivis par leur capitaine et le chef blanc, et passèrent non loin de l'abatis situé au nord de la Bonne Mer. Une véritable fatalité les mit en présence de Charles au moment où le jeune homme venait, ainsi que son frère l'avait supposé, de tuer le harpia féroce. Les Indiens des Guyanes sont généralement inoffensifs. Ils accueillent sans cordialité comme sans méchanceté le voyageur, tâchent de pratiquer avec lui une transaction aussi avantageuse que possible et se retirent après un échange de quelques mots pleins de banalité. Ils respectent les Blancs et les redoutent plus encore, car s'ils ont de l'alcool et du tabac, ils portent aussi des fusils. En temps ordinaire, cette rencontre n'eût été pour le jeune Robinson qu'un incident sans aucune importance. Malheureusement, Charles n'était pas un Blanc ordinaire. Armé à l'indienne, vêtu d'habits formés d'un tissu grossier, les bras et la figure tannés par le soleil de l'équateur, sa vue devait provoquer l'étonnement de ces naïfs et défiants sauvages. Était-il bien un Blanc? Était-ce un Indien ou un Métis? Ils adressèrent quelques questions auxquelles il ne put répondre et pour cause, vu son ignorance de leur langage. Ils avaient en outre la cervelle farcie d'histoires relatives aux Oyakoulais, ces terribles Indiens à peau blanche qui parlent une langue incompréhensible et vivent à l'écart des indigènes dans une solitude pleine d'un dédain farouche. « C'est peut-être un Oyakoulais ?» opina timidement l'un d'eux, en osant à peine prononcer le nom redouté. Puis, voyant qu'ils avaient affaire à un enfant, ils s'enhardirent en se comptant. Ils étaient 8, heureux de rompre la monotonie de leur pérégrination. « C'est un Oyakoulais !» beuglèrent-ils à l'unisson pour se donner de l'assurance. Le silence de Charles les encouragea encore en dépit de la fermeté de son attitude et de la présence de Kat qui montrait les dents. Ils voulurent se persuader qu'il était un ennemi et y réussirent en raison de ce phénomène psychologique bizarre grâce auquel une idée a d'autant plus de chances d'obtenir du crédit qu'elle est fausse et qu'elle est émise par des intelligences primitives. Charles, bombardé au Yakoulais, résista rudement aux bons hommes rouges qui voulaient porter sur lui des mains non seulement irrévérencieuses, mais hostiles. La lutte engagée, il devait succomber. Le premier pas est le seul qui coûte. Le premier coup est le plus difficile à donner. Kat gronda, mais n'attaqua pas. Les Indiens, fidèles à leurs habitudes de prudence, s'étaient frottés d'embrette avant de se mettre en route. Le jeune Robinson terrassé allait être rudement malmené. Peut-être allait-il lui arriver pire encore, quand sa veste de chasse déchirée laissa entrevoir la blancheur de son épiderme d'enfant. Cette preuve indiscutable de l'authenticité de sa race eut dû convaincre et désarmer les brutes. Il n'en fut rien. Charles était bel et bien un œil à couler. Ils n'en voulurent pas démordre. Ils allaient le martyriser et le mettre à mort. Les Indiens à jeun peuvent devenir féroces, et s'ils sont si inoffensifs, cela doit tenir à leur état d'ivresse permanente. Quand leurs regards tombèrent sur un collier bizarre qui entourait le cou de leur victime, ce collier devait être un piaille d'une bien grande vertu, car son influence se manifesta aussitôt avec une singulière efficacité. Le joyau n'avait pourtant rien de bien extraordinaire. C'était une simple brasse de wabé, dans laquelle était enfilée une demi-douzaine de jade assez bien polie, égalant le volume d'une merise. Au centre était accrochée une pépite de la grosseur du pouce. Ce collier avait appartenu à Jacques Laramichaud, qui, au moment de son départ, l'avait donné à son jeune ami comme étant l'objet le plus précieux dont il put disposer. Il avait prié Charles de le porter en souvenir de lui, et l'enfant, sans y ajouter la moindre importance, l'avait enroulé autour de son cou. Bien lui en prit, car les émérillons, frappés de respect à la vue du talisman, témoignèrent à leurs prisonniers des égards plus étranges encore que leur inconcevable brutalité. Malheureusement, ils ne lui rendirent pas la liberté, bien au contraire. Ils laissèrent à ses mains toute leur liberté, mais en travers ses jambes de façon à lui permettre de marcher assez commodément, mais empêcher toute tentative de fuite. Ils voulurent le conduire à Kombaka, espérant que la vue du piaille apaiserait la colère que le chef ne manquerait pas de ressentir à leur aspect, et que leur tribu bénéficierait dans des proportions considérables de l'arrivée de cette recrue. Charles allait être bon gré mal gré, bel et bien indianisé. Il put, grâce à cette liberté relative dont il jouissait, écrire sur une feuille de balisier l'état de sa situation actuelle et bénéficier de ses immunités de piaille in partibus pour assurer l'inviolabilité de son message qu'il déposa sur sa trace. Cat ne put, à son grand chagrin, obtenir le même privilège. Le jaguar, qui nourrissait à l'endroit des peaux rouges une haine qui, pour être irraisonnée, n'en était pas moins vivace, constituait pour ceux-ci une perpétuelle appréhension. Ils n'osèrent le frapper mortellement, mais ils se saturèrent d'embrette avec une telle profusion que le pauvre animal, n'y tenant plus, tourna un beau matin les talons et reprit, écœuré, le chemin de la bonne mère. Une pointe de courmorie habilement lancée dans les chairs de l'arrière-train accéléra encore cette fuite, et Charles se trouva seul, en route pour une destination ignorée de ses conducteurs eux-mêmes. Ils rejoignirent pourtant le gros de la troupe, mais par une véritable fatalité, ce fut seulement quelques heures après la délivrance et le départ des Robinson. La clairière commençait à s'emplir de tumulte. Les Indiens, revenus de leur terreur, poussaient des cris lugubres à l'aspect du corps sans tête de leur chef à Kombaka. Benoît, la face tuméfiée, n'était pas mort, mais il râlait affreusement. L'arrivée de la seconde troupe produisit une heureuse diversion et surtout la vue de Charles, auquel son talisman fit rendre des honneurs incroyables. Les Indiens, avec la versatilité inouïe qui fait le fond de leur caractère, oubliaient déjà le mort pour ne penser qu'au vivant. Ou plutôt, ils entrevoyaient la perspective d'une bombance en partie double, destinée à honorer la mémoire du défunt et à célébrer l'avènement de son successeur. Car pour que nul n'en ignore, ils pensaient tout simplement à élire le jeune Robinson comme chef des Émérillons et de la fraction des Tiots. L'enfant, étonné de cette succession d'événements singuliers, se laissait faire avec une indifférence qui ajoutait encore à l'admiration qu'il inspirait. Le pauvre petit pensait avec douleur au sien que sa longue absence devait torturer. Il devinait les angoisses de sa mère. Il attendait avec une impatience fébrile le moment de son investiture, afin de ramener, si besoin en était, ses sujets à la bonne mère et embrasser au plus vite ces êtres chéris après lesquels son cœur soupirait. Les trois forçats avaient disparu après la bagarre, et les Indiens ignoraient ce qu'ils étaient devenus. Ils avaient dû s'assassiner afin de s'approprier la pépite, seul résultat palpable de leur expédition. Quant à Benoît, son état demandait des soins immédiats, et Charles, reconnaissant en lui un blanc, fit signe qu'on allait lui donner. Il fut ponctuellement obéi, sans se douter, hélas, qu'il serait la cause bien involontaire d'une irréparable catastrophe. Le moyen employé pour amener le mécréant à la vie fut très simple et fort ingénieux. Un Indien saisit deux fragments de quartz et les frappa rudement l'une contre l'autre sous le nez de l'ancien surveillant. Des faisceaux d'étincelles jaillirent et l'odeur caractéristique des silex heurtés se répandit dans l'atmosphère. Le peau rouge continua pendant 10 minutes sa manœuvre en opérant le plus près possible de la bouche et du nez du blessé. Celui-ci, chose extraordinaire, râla bientôt moins fort. Il semblait que cette odeur agissait comme un puissant spécifique sur l'enflure causée par le venin des guêpes. La respiration devint de plus en plus facile, elle se régularisa, le bandit put parler et demander à boire. La tuméfaction des muqueuses était en partie disparue, puisqu'il put absorber sans trop de difficulté la moitié d'un couillis plein d'eau. Quant aux nodosités dures, violâtres qui marbraient sa face, obstruaient ses orbites, bossuaient son front, hypertrophiaient ses lèvres et lui donnaient le hideux aspect d'un lépreux, elles furent simplement enduites d'une couche de terre glaise assez molle pour prendre l'empreinte de la figure et adhérer sur les téguments comme un masque. Cette application eut pour résultat de calmer presque instantanément les horribles douleurs qui le tenaillaient. Il cessa de gronder, de jurer. Le vieil homme s'était réveillé en lui. Bientôt, il s'endormit. Le lendemain, il était guéri. Ses traits portaient encore les empreintes livides laissées par les terribles hyménoptères, mais il pouvait y boire d'un œil. L'autre semblait fortement endommagé. Son garde-malade lui apprit les événements de la veille, la délivrance des prisonniers, la mort d'Akumbaka, la disparition de ses complices et l'arrivée de l'héritier présomptif de la couronne de plume du feu roi. Benoît, qui avait rêvé peut-être de s'appeler Akumbaka II, de trôner majestueusement sur le caïman de bois sculpté et d'envoyer ses sujets en corvée au champ d'or, Benoît pensa tout d'abord à renverser le représentant de la future dynastie. Il ne lui paraissait pas bien difficile de se substituer au nouveau venu. Dut-il pour cela recourir à l'assassinat? Avant de rien entreprendre, il lui fallait pourtant voir le prétendant, gagner autant que possible ses bonnes grâces, user si besoin en était de duplicité, au cas où il eût été de taille à se défendre énergiquement. Son étonnement n'eut d'égal que sa fureur à la vue de l'enfant, dont les traits rappelaient trop vivement ceux de Robin et de ses fils, pour que l'aventurier pût conserver le moindre doute sur son origine. « Ah ça » grogna-t-il, « il y en a donc toujours de cette engeance-là, encore un de ces petits de ce fagot de malheur. Attends un peu, va, moucheron, je vais t'arranger proprement ton affaire. » Sans perdre un moment, il appela la flûte et le tambour de feu à Akumbaka, fit exécuter au premier une série de couacs retentissants et au second un roulement sonore. Les peaux rouges accoururent, sauf pourtant les gardes du corps de Charles, et se groupèrent autour de lui. Il leur fit un long discours pour leur démontrer que celui qu'ils voulaient se donner pour capitaine appartenait à cette famille maudite dont le chef avait tué leur piaille. Il fut tour à tour insinuant, pathétique et menaçant. Il promit des montagnes de Kassab, des torrents de Kachiri, des fleuves de Tafia, et termina par le classique « Prenez mon ours », en d'autres termes « Agréez-moi pour capitaine ». Vains efforts, l'antique formule, j'ai dit, l'esprit de mes pères a entendu, fut froidement accueilli. Le blanc avait beaucoup promis et fort peu tenu jusqu'alors. Son étoile l'avait bien pâli depuis la mort d'Akumbaka et la délivrance des prisonniers. De deux choses l'une, où l'esprit de ses pères battait la breloque, où les auteurs du trépas du sorcier possédaient un piaille plus puissant que le sien. Il devenait donc urgent de s'en faire des amis. Que venait-il ensuite parler d'histoire de l'autre monde, du sorcier mort, enterré et dont la mémoire avait été superlativement arrosée? Il s'agissait bien de ces contes surannés, quand le corps du pauvre qui vient déjà, privé de sa tête, n'aurait hélas qu'une sépulture de dernière classe. Il fallait au plus vite conjurer l'arrivée de nouveaux malheurs et conférer le rang suprême à ce bel adolescent dont la fière mine, la robuste prestance et surtout le collier mystérieux inspiraient déjà une confiance sans bornes. Benoît connaissait les Indiens. Il vit la partie perdue et n'essaya même pas de lutter. Ses trois complices étaient toujours en fuite, son ascendant sur les peaux rouges, qu'il ne dominait que grâce à la pression constante exercée sur Akumbaka, n'existait plus. Il résolut de se retirer dans le bois, tout en restant à portée du campement, afin de profiter des événements ultérieurs, de les provoquer au besoin. Il enroula son hamac, emplit son havresac de provisions, chargea méthodiquement son fusil, fit un geste de menace et s'en alla lentement. L'investiture du nouveau capitaine allait avoir lieu le lendemain, ses guerriers appréhendant pour lui comme pour eux un vague danger, une de ces surprises comme en réserve trop souvent les grands bois aux voyageurs, se fortifièrent ainsi qu'il a été dit précédemment, allumèrent des feux et posèrent des sentinelles chargées de répandre à profusion de quart d'heure en quart d'heure sur les charbons ardents des baies de ce terrible poivre de Cayenne, appelé aussi piment enragé. La combustion du petit fruit rouge de cette seule année produit une vapeur âcre, irritante, suffocante, dont l'absorption, bien qu'exempte de graves dangers, amène instantanément les phénomènes qui brisèrent l'élan des Robinsons et livrèrent sans défense aux Indiens. Les sabres sont levés sur eux, ils vont être égorgés. Mais Charles a entendu le commandement proféré en français et le cri d'angoisse qu'il a aussitôt suivi. Il bouscule sa garde d'honneur avec une vigueur irrésistible, bondit et renverse la muraille humaine. Il écarte les lames qui vont s'abattre sur les siens et s'élance dans les bras de son père. « Mon père, Henri !»« Charles, mon enfant !» s'écrie le proscrit, encore aveuglé, et chez lequel le sens de l'ouïe a seul survécu. « Charles !» La fureur des Indiens tombe aussitôt devant cette manifestation du jeune homme dont toutes les volontés sont déjà autant d'ordre pour eux. On s'empresse autour des nouveaux venus, bien que leurs intentions premières eussent pu paraître suspectes, mais le capitaine le veut ainsi. On bassine leurs paupières, on leur fait respirer de puissants antidotes, et bientôt leurs yeux peuvent s'ouvrir à la lumière. Pendant ce temps, les membres de la seconde troupe, tapis au milieu des ombres impénétrables de la forêt, sentent grandir leur inquiétude. Aux premières clameurs des assaillants, aux cris de surprise et de fureur des peaux-rouges, avait succédé un lugubre silence. Leur inquiétude est tellement poignante que Madame Robin, préférant tout à cette immobilité, ordonne d'aller en avant. Ses forces sont centuplées par l'angoisse et la terreur. Elle s'élance, légère comme un oiseau, dans la direction des feux, franchit cet étroit espace, sans voir les obstacles, sans être arrêtée par eux, et apparaît toute blanche dans cette nuit rouge comme un génie d'amour et de délivrance. Les Indiens, frappés à son aspect d'une respectueuse terreur, se précipitent à ses pieds. Ils n'ont jamais vu d'Européenne. Elle s'arrête au milieu de la clairière, aperçoit Charles au centre du groupe formé par son père, son frère, le Bonny et Nicolas. Elle tend les bras. L'enfant, affolé, en délire, s'y précipite et l'étreint convulsivement. L'héroïque femme, qui jusqu'alors n'a donné aucun signe de faiblesse, éclate en sanglots. Ses yeux sont noyés de larmes. Impassible devant la douleur, elle peut à peine supporter le poids de ce bonheur surhumain. À ce moment délicieux, où le proscrit savoure avec les siens la joie de cette délivrance inespérée, surgit lentement près du tronc d'un nahuara une horrible apparition. Une figure hideuse, grisâtre, livide, terreuse, émerge de la pénombre. Deux yeux, au reflet de métal, une bouche tordue par un rictus haineux, donnent à cette physionomie une expression infernale. « C'est Benoît !» va crier Robin, qui reconnaît le bandit, debout à 15 mètres. Il n'a pas le temps de prononcer un seul mot. Le canon d'un fusil s'allonge soudain dans sa direction, une détonation retentit, et la voix du misérable vocifère avec l'accent de la haine satisfaite. « À toi, Robin! À bientôt, les autres !» Un cri d'angoisse et d'agonie suit d'une seconde à peine le coup de fusil. Le proscrit reste debout, mais le pauvre Casimir s'abat lourdement sur le sol, la poitrine percée par une balle. Le bon vieillard a vu la tentative du scélérat. Concentrant dans un dernier effort toute sa vigueur d'octogénaire, il s'est élancé et a fait à son ami un rempart de son corps. Les Indiens partent à la poursuite de l'assassin qui, semblable à un fauve aux abois, trouve bruyamment les broussailles et disparaît dans la nuit. Robin, éperdu, fou de douleur, soulève le corps du pauvre noir qui pousse un cri plaintif. Le proscrit sanglote comme un enfant. Des larmes coulent de tous les yeux. Les Robinsons pleurent comme s'ils voyaient agoniser leur père. « Casimir !» murmure d'une voix entrecoupée Robin. « Casimir !» Au son de cette voix aimée, le vieillard entr'ouvre son œil unique et couvre son cher blanc d'un suprême regard d'affection et de regret. « Mon cher fils bien-aimé, ne pleure pas » dit-il de cette voix si étrangement musicale chez certains noirs, et en employant son doux langage créole. « Ne pleure pas, mon cher enfant. Ton père blanc t'a donné la vie. Ton père noir a eu le bonheur de te la conserver. » « Ne m'appelais-tu pas aussi ton père? Tu m'as aimé. Tu embellis mes dernières années. Sois béni, mon fils. Puisses-tu goûter de longs jours de bonheur sur cette terre où tu as tant souffert ?» Sa voix s'embarrassait et son corps se marbrait de taches grises. Robin voulait inspecter la blessure, lui prodiguer des soins. Le sang coulait rouge et écumeux de la plaie qui trouait le thorax un peu au-dessous de la clavicule gauche. « C'est inutile, mon cher Compé, » reprit-il en souriant doucement. « Mets ta main sous le trou, afin que je ne meure pas trop vite. Ça même. Maintenant, place-toi bien en face, à la lumière, pour que je te voie jusqu'à la fin. » Robin obéit, et une expression d'indéfinissable bonheur illumina les traits du moribond. « Et maintenant, mes chers enfants, vous que j'aimerais jusqu'à mon dernier souffle, moi dont les vieux os tressailleront de bonheur quand vous foulerez la terre qui les recouvrira, adieu, adieu madame, vous si bonne et si douce au pauvre vieux nègre, adieu Henri, Edmond, Eugène, mon petit Charles, adieu, adieu Nicolas, toi qui connais aussi le dévouement, adieu Angosso, Lomi, Bachelico, bon noir qui aimait mon fils blanc, adieu Ageda, leur bonne mère. Mon cher Blanc, ta main. » Robin retira sa main sanglante, le sang ruissela. Il leva cette main rouge vers le ciel comme pour le prendre à témoin de son serment, et d'une voix déchirante, il s'écria « Meurs en paix, toi que j'aime comme un père, et que je pleurerai toujours, tu seras vengé. » Le moribond, sur le visage duquel la mort avait déjà posé son empreinte glacée, entr'ouvrit encore les lèvres. Il eut la force de murmurer « Tu m'as pris le pardon, ne le tue pas, je meurs content. » Il poussa un profond soupir, un flot de sang, sortit de sa gorge, ce grand cœur ne battait plus dans sa modeste enveloppe. Robin le coucha sur le sol, lui ferma doucement les yeux, l'embrassa respectueusement sur le front et resta agenouillé près de lui, absorbé tout entier dans sa douleur. Cette triste veillée de mort ne fut pas troublée par ces hurlements familiers aux Indiens. Ils respectèrent la douleur silencieuse de leurs hôtes et se mirent à leur disposition avec une bonne grâce tout à fait inusitée. Pendant que les uns se hâtaient de terminer un hamac tout neuf, destiné à servir de suaire à la dépouille du vieillard, les autres apportaient des faisceaux de palmes vertes, en formaient un épais matelas, et dressaient à la hâte un léger carbet. Le jour était venu sans que les Robinson, tout entiers au deuil qui les frappait, eussent pensé à prendre un moment de repos. Seul Nicolas avait été un moment distrait par la vue d'un objet blanc dont il put, au premier rayon du soleil, reconnaître la nature. C'était un petit morceau de papier, tout froissé, tout noirci. Le papier est rare dans les forêts guyanaises. Le Parisien n'en avait pas vu le moindre fragment depuis 10 ans. Ce chiffon ne pouvait être que la bourre du fusil dont la balle avait tué Casimir. Cédant à un désir bien naturel, Nicolas le prit en dépit de son origine lugubre, le déplia, sans intention bien arrêtée et comme obéissant à un secret pressentiment. Il vit tout d'abord qu'il était couvert de caractères d'imprimerie. Ces caractères, maculés par les produits de combustion de la poudre, étaient illisibles d'un côté mais absolument intacts de l'autre. C'était un fragment de journal. Le Parisien lut, puis pâlit affreusement. Était-ce de joie ou de douleur? Il relut encore, craignant de s'être trompé. Puis, incapable de contenir plus longtemps l'émotion qui l'étouffait, il se leva brusquement et s'en vint, la sueur au front, près de Robin, toujours immobile près du cadavre de son vieil ami. Il serra à lui briser le bras du proscrit et lui tendit le papier. Robin, de regard doux et triste, lui montra la silhouette rigide du vieillard étendu sur son lit mortuaire de feuilles vertes. Ce coup d'œil éloquent semblait lui dire « Ne peux-tu attendre? Pourquoi me distraire de mon chagrin? Pourquoi m'enlever quelques-unes des dernières minutes que je dois passer près de lui ?» Nicolas comprit ce reproche muet et insista. « Mon bienfaiteur, mon ami, l'instant est solennel, je vous en prie, lisez, » dit-il d'une voix vibrante. Robin prit l'imprimé, jeta un rapide regard sur les caractères, il pâlit aussi et poussa un cri sourd. Sa femme et ses enfants, inquiets à la vue de cette soudaine émotion, se groupèrent autour de lui. Il relut encore, lentement et à demi-voix, les lambeaux de phrases dont une seule était complète. Clémence Empereur, crime et délit politique, par décret en date du 16 août 1859, amnistie générale, sans condition et sans exception est accordée à tous, à l'étranger, dans les lieux de déportation, pourront rentrer en France, promulgation, décret inscrit au bulletin des lois. Les Robinson écoutaient sans presque comprendre ces mots hachés dont la signification avait une portée susceptible de révolutionner leur existence. Robin reprit de son accent voilé. « Je ne suis donc plus un homme qu'on emprisonne, un numéro qu'on couche sur la liste de proscription, un forçat que torture la chiourme. Je ne suis plus l'évadé qu'on poursuit, le fauve qu'on traque, le tigre blanc après lequel hurle la meute des argousins. Je suis un libre citoyen de la France équinoxiale. » Puis se tournant vers le cadavre du vieux noir, il ajouta d'une voix brisée « Mon pauvre ami, faut-il que ma joie soit empoisonnée par une douleur qui ne s'apaisera jamais ?»